cœur du analyse, j'y repense aujourd'hui. Il a truqué sa vie contre des cartouches de fusil. Mec, c'est comme ça que ça se passe à une vie. Ouais, c'est un jour tu meurs, un jour tu vis. Partout autour de moi, tout disparaît, tout s'obscurcit. J'essaie de rester droit, clair, j'essaie de garder mon esprit. À l'avenir, mec, mets pas la tête à penser. Pourquoi l'on te gourne fait de moi un futur macabre? Je me répète ces questions, la bonne part est en bouge, j'y perturbe. Mais une fois mes esprits retrouvés, je réalise que j'ai des couilles, mec. Je vais montrer à tous ces MC de merde de quelle haine je vais chauffer. De quelle rime, ma vie complète pas de moi, Nani. Pris dans l'engrenage, mec, je peux plus reculer. La tête basse vers le sol pour aucun dirigé. Être obligé de tisser le gars pour se faire respecter. Français, killer, fake, bazar.